Mais hier au soleil, à un moment donné, il faisait plus chaud, j'ai l'impression, parce que j'avais pas ma chapka et j'avais trop chaud.